J'en perds toute ma santé, mon frère. En colère, je l'ai découvert. On pèse tout nous-mêmes. On pèse tout nous-mêmes. Maman me répète le proverbe. Chacun de nous est éprouvé. Chaque moment que je promets, je ne cesse de patienter. J'en perds toute ma santé, mon frère. Ma colère, je l'ai découverte. Même pas 13 piges. On pèse tout nous-mêmes. Mauvaise graine, mauvais pied, mauvaise nuit. En 20 piges de merde, j'en ai beaucoup appris sur les miens et les autres et ça changera jamais. Générer des loves dans la street, ça implique nécessairement de causer du tort à sa mère. Le bruit des sirènes, elle est condé, ça court. L'estomac serré, s'il trouve la sacoche quand t'es pas rassuré. Nous, on trouvait ça cool, on trouvait ça court quand tu trouvais ça gore. Ton amitié de merde, dis-moi combien ça coûte. Que je te tende la main pour qu'ensuite tu me la coupes. Que t'es Hayawen, prêt à tout pour soulever la coupe. Sans aucune pudeur, et ça coupe. Nous, on fait le principal. Le frigo est rempli, le loyer est payé, le principe est hal. Y'a que pour la famille qu'on est persévérant. Je les regarde pour des putes se précipiter dans le gouffre. J'ai passé ma vie dans le doute jusqu'à m'habituer à mon incertitude. Ma colère fait ressortir mes cervicales. Mon petit frère veut s'acheter un Desert Eagle. On attend l'hiver pour se refaire motivé par l'envie de bouger cet été. Que de la grigousse dans la bouteille de Fanta. Les mêmes personnes qui m'écoutent me répéter. Les journées m'assomment, les années me servent de leçon. Mes ennemis me servent, ils me sentent. Mes pensées tout seul dans le sombre, l'impression que ma cervelle est sale. C'est de la faute à mes rêves et tout ce que j'ai fait pour les vivre. Les souvenirs sont partis et vite, ma bouteille est pleine. Frangin, j'en ai gros sur le cœur quand je vois que le quartier est vide. On fait le mal, grandit parmi tant d'autres. Grandit parmi tant d'autres. On a compris trop tard. On a compris trop tard. On a grandi dans le fond. On a grandi dans le fond. Je regarde plus derrière. C'est bizarre, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours traîné tard, toujours voulu être riche. Dans nos zones, personne n'est guitariste, mais tout le monde a la guitare à Jimi Hendrix. Vodka Beluga, c'est pas de l'eau. Pourquoi quand t'es beau, hey, tu me fais le Pablo? Fais pas de cinéma comme c'est à clos. Je suis pas venu rapper tout ce que rap l'autre. Pas pour faire le voyou qu'on sort en foyer, c'est juste au cas où. Ils se prennent pour je sais pas qui, ils veulent faire je sais pas quoi. Un de ces jours, je sais pas quand, on sera je sais pas où. Fais-moi pas tes serments, j'ai grandi violemment. J'ai fait du mal à ma mère inconsciemment. Le verre à moitié vide, d'autres le voient à moitié plein. Je veux être plein assez vite pour le remplir entièrement. Je vais dire la vérité. Mon cœur est noirci et je ressens plus rien. J'avais la lumière, ils sont venus l'éteindre. J'essaye de les aimer, mais je me sens bizarre. Bizarre comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Pas de liquidité, je t'emmène dans la tirette. Quand l'oseille est parti, y'a que les regrets qui restent. On roulait en hesse et on voulait se tirer. Donc je t'ai vendu du shit, je te l'ai revolé direct. Y'a qu'à ma famille que j'ai causé des ennuis. Poto, quand l'eau est sale, on voit pas de naufrage. À 13 pigeons traînés dans les bars tard la nuit avec des bonhommes qui avaient trois fois notre âge. Laser mi m'a dit reste poto, y'a rien qui presse. Tristesse unanime, sera synonyme. J'y reste plus la chanson est simple, plus la mélodie. Je veux que la terre entière connaisse BL. Grandis parmi tant d'autres. On a compris trop tard. On a compris trop tard. On a grandi dans le fond. On a grandi dans le fond. Je regarde plus derrière moi. Je regarde plus derrière moi. J'ai commis tant de fautes. Hey, j'ai commis tant de fautes. Je regarde plus derrière moi. Je regarde plus derrière moi. J'ai des yeux dans le dos. J'ai des yeux dans le dos. Millions d'euros dans les poches, la vie sera pas aussi moche. Je voudrais emmener tous mes proches très loin du raté. Tant qu'il y a du khalis en jeu, on jouera à tous les postes. Les vols vont pas ricocher, même si t'es blindé. H24, contrôlé, pas encore la monnaie. T'inquiète pas, on connaît. Isolé, j'ai zoné, pour avoir ce qu'on voulait. On volait, ben.